Ésaïe chapitre 6. L'année en laquelle mourut le roi Ozia, je vis le Seigneur séant sur un trône élevé, et ses pans remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait six ailes, de deux ils couvraient leur face, et de deux ils couvraient leurs pieds, et de deux ils volaient. Et ils criaient l'un à l'autre, et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, tout ce qui est dans toute la terre, est sa gloire. » Et les poteaux des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, hélas moi, car c'est fait de moi, parce que je suis un homme souillé de lèvres, et que je demeure parmi un peuple souillé de lèvres, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant en sa main un charbon vif, qu'il avait pris de dessus l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche, et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, c'est pourquoi ton iniquité sera ôtée, et la propitiation sera faite pour ton péché. Puis j'ouïs la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je, et qui ira pour nous, et je dis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va, et dis à ce peuple, en entendant vous entendrez, mais vous ne comprendrez point, et en voyant vous verrez, mais vous n'apercevrez point. Engraisse le cœur de ce peuple, et rend ses oreilles pesantes, et bouche ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, et qu'il n'entende de ses oreilles, et que son cœur ne comprenne, et qu'il ne se convertisse, et qu'il ne recouvre la santé. Et je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes aient été désolées, et qu'il n'y ait plus d'habitants, ni d'hommes dans les maisons, et que la terre soit mise en une entière désolation. Et que l'Éternel ait dispersé au loin les hommes, et que celle qui l'aura abandonné, et demeuré longtemps au milieu du pays. Toutefois il y en aura encore en elle une dizaine, puis elle sera de rechef broutée, mais comme la fermeté des chênes, et des rouvres consistant ce qu'ils rejettent, ainsi la semence sainte sera la fermeté.